rivière, mais ouais, de bon petit garçon. Ouais, tu chais, monsieur, et femme, t'as dans tes tiki, puis bon, tu es pas rime, tout ça. Je parie pas tout ça. Yo dis moi. C'est difficile. Vous voyez plein d'eau. Allez, maman. Mais contre des beaux petits jeunes, maman. Yo, gardez-moi. Gardez-moi tout. Il sourit. Sourit la lido. En ce temps-là, maman. Moi, elle voit, mais la voix, je suis maman. Liquez même la maman. Il sirène. Il s'y doge. Ici, arrête pour moi, maman, souhait. Ça arrête, maman. À la fin, senti mon jadoual. Vite, coûte, dans mon citron. Vite, pas appétit, maman, passe à manger. Toute la journée, sans question. Rache à gauche, rache à droite. Mais maman, je connais Lila, pas le coup de poing, Lila. Tout ça fait le maman là. À la fin, maman, vite, petit contrôle, moi, maman.